De Vera Feder, divertissement à la hongroise, avec Michel Aumont et Sonia Volraud. Réalisation Anne Lemaître. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Je vous remercie. Puis-je vous demander de vous asseoir et de me faire face? S'il le faut. Plus vite nous irons droit aux faits, mieux cela vaudra pour tous les deux. Je vous écoute. Sauter. Sauter. Oui. J'ai tout le temps envie de sauter. Non, âge, profession. Je m'attache la nuit pour pas sauter. Fermé, j'étouffe. Votre âge, monsieur Sandor, j'ai besoin pour mes fiches de connaître votre âge et votre profession. Vieux. Et sans. Vous dormez bien? Oui. Vous mangez bien? Oui. Vous digérez bien? Oui. Vous... Mais, vous fatiguez pas, c'est oui à toutes les questions. Parti pris délibéré. Pléonasme. Monsieur Sandor, le temps passe et j'en ai fort peu. D'autres patients m'attendent. Impatient. Dois-je vous rappeler que je suis ici à votre demande? Urgent. C'est ce qui m'a été dit au téléphone. Urgent. Je ne l'ai pas inventé. Alors, venons-en au fait, monsieur Sandor. Au fait. Le fait, il est là. J'ai tout le temps envie de sauter. Surmenage. Je ne fais rien. Rien de mes 10 doigts, comme on dit. De vous, justement, on ne peut pas le dire. Croyez-vous? Le cœur? Comme à 20 ans. Et vous en avez combien? Si je me jette par la fenêtre, à l'autopsie, on trouvera mes papiers d'identité, vous le saurez. Un peu de patience. Soyons sérieux. Monsieur Sandor... Thomas. Mon prénom est Thomas. Va écrire Thomas. Thomas comme le doute, comme l'obscur, comme l'imposture. Thomas, quoi. Vous devriez boire. Boire? L'émotion, la chaleur. Boire, ça aide. Merci, non. Merci, jamais dans l'exercice de mes fonctions. Et si je vous en relevais, de vos fonctions? Alors, pourquoi vous le prenez mal? Je suis en vacances, vous au travail. Celui des deux qui peut-être aider l'autre. C'est moi. Vous vous raclez sans arrêt la gorge, c'est usant pour vos nerfs. Ne parlons pas des miens. Pourquoi jetez-vous vos partitions par terre, monsieur Sandor? Ah, une question, enfin, une vraie. Oui, pourquoi? Je ne sais pas. Et vous, vous avez une idée? Elle monte trop, votre blouse, elle vous étrangle. Pourquoi faites-vous ce métier? La salle de bain, deuxième à droite. Vous ne me faites pas peur, monsieur Sandor. Je fais ce métier justement parce que des gens comme vous ne me font pas peur. Tout ce que vous pourrez dire ou faire ne m'impressionne pas. Même si je me jette par la fenêtre? Des patients. Impatients. Qui ont envie de se jeter par la fenêtre, j'en ai rencontré d'autres, figurez-vous. Beaucoup d'autres. Mais je leur parlais, ils me parlaient, et à la fin ils rentraient chez eux. Et il se pendait. Reprenez. Vous voyez le verre d'eau, il vous a éclairci la voie et donné de l'assurance. Parlons de vous, monsieur Sandor, et de votre irrépressible envie de sauter par la fenêtre. Votre prochain concert est pour quand? Comment savez-vous? Je sais tout. Tout? Tout ce qu'on peut savoir sur quelqu'un qui vit dans la suite capitonnée de l'hôtel Fioro depuis une semaine, sans avoir mis le nez dehors. Qui vous l'a dit? La réception. Le directeur. Le directeur? C'est bien à lui que vous avez demandé de vous envoyer un médecin. Je regrette. Mais personne ne songe à vous en faire grief. Des musiciens, cette suite en a vu d'autres. Et un pianiste qui passe ses journées au piano, quoi de plus normal, surtout s'il a un concert en vue. La date? On peut savoir pour quand? Décembre. Où? Carnegie Hall. Des verres de contact, vous avez essayé? Les verres de contact me font pleurer. Et au moins, ils vous font quelque chose? On s'occupe de vous, monsieur Sandor, pas de moi. Dommage. J'aimerais bien savoir, d'ailleurs. Qui s'occupe de vous? Ça ne vous regarde pas. Non, mais... ça crève tellement les yeux qu'on est bien obligé de regarder. Si quelqu'un s'occupait de vous, il ne vous laisserait pas vous habiller ainsi. C'est ma tenue ordinaire de travail. Mauvais travail, très ordinaire, en effet. Si on ne peut l'exercer qu'en s'affublant de la sorte. Sous ma blouse, j'ai un tailleur. Qui vous vieillit, je le parierais. À quand remonte votre dernier concert? 30 ans. Pardon? Être sourde pour un psychiatre, c'est un handicap, non? Vous avez dit 30 ans. Je sais plus. Si vous avez entendu 30 ans, ça doit être ça. Peut-être me faudra-t-il du temps pour m'habituer à votre humour, monsieur Sandor, mais si vous voulez vous en sortir, il faut aussi accepter de m'aider. Vous avez déjà fait le tour du lac en bateau? Pardon? Pas de conseil à vous donner, mais vous devriez consulter. Voilà. Je le savais. Il ne vous voit pas du tout, d'ailleurs. Monsieur Sandor, j'ai quitté ma blouse. Je ne suis donc plus dans l'exercice de mes fonctions. Je vous en avais relevé depuis longtemps. Quand l'hôtel Fioro m'a téléphoné sur votre demande, dois-je vous le rappeler, j'ai aussitôt accepté. Je vous l'ai dit, les fous ne me font pas peur. Et cela ne me fait pas peur non plus de me déplacer et d'aller les voir chez eux. Ils le savent ici, qu'en cas de coup dur, la police, les pompiers peuvent toujours compter sur moi. Un forcené s'enferme avec ses enfants et menace de les tuer, on m'appelle, je viens et je les sauve. Oh oui, vous pouvez sourire, monsieur Sandor. Il y a des gens qui ont véritablement besoin d'être sauvés. Et moi, c'est de ces gens-là dont j'ai besoin. Besoin, vous entendez? Comme eux ont besoin de moi. J'entends. Vous êtes peut-être un très grand pianiste, monsieur Sandor, et vous n'avez sans doute besoin de personne, ni pour vous retenir de sauter dans le vide, ni pour réussir votre concert à Carnegie Hall. Votre solitude, c'est votre œuvre. Si vous vous plantez, que ce soit dans le lac ou sur scène, il n'y aura personne pour vous plaindre. Et surtout pas moi. La réception? Oui, le docteur Solina sort d'ici. Elle doit être dans l'ascenseur. Quand vous la verrez passer, dites-lui de remonter immédiatement, c'est important. Hmm? Pardonnez-moi, je me suis laissée emporter, faute professionnelle. J'ai eu une nuit difficile, des appels urgents, peu ou presque pas de sommeil, j'ai craqué. Ça n'arrivera plus. Monsieur Sandor ? Monsieur Sandor ? Oh mon Dieu ! Vos honoraires ? Non, j'ai cru que... C'est pour ça que j'ai demandé au portier. Et moi, ce n'est pas pour ça que je suis revenue. Cet argent, je le prendrai quand je l'aurai gagné. J'ai eu une défaillance. Je vous prie de bien vouloir l'excuser. Et moi, une envie soudaine de changer de veste. Ôtez-la. Elle ne vous plaît pas ? Oh, dommage. Ôtez votre veste et relevez votre manche. Est-ce bien utile ? Oh. Des nausées ? Des vertiges ? Des dégoûts. Votre première envie remonte à quand ? La nuit des temps. Et vous n'avez jamais consulté avant ? Consulté ? Si. Oh, si, j'ai bien dû consulter. Oh, des augures, des pitis. Des... Tension normale. Des horaires. Pouls réguliers. Réflexe parfait, n'insistez pas, normal. Tout est normal. Désespérément normal. Alors, monsieur Sandor, ne pourrait-on admettre une fois pour toutes, et de la manière la plus normale, qu'un pianiste qui prépare un concert, et un concert d'importance comme celui que vous donnerez en décembre à Carnegie Hall, oui, ne peut-on admettre qu'un tel événement bouleverse votre vie affective et psychique au point de provoquer, littéralement parlant, des vertiges ? Et ces vertiges, une fois provoqués, ne peut-on imaginer que, cédant à la panique, vous n'ayez la tentation de courir au-devant de ce que vous redoutez le plus ? Ah, ah, le temps de la consultation est passé, vous pouvez quitter votre uniforme. Tout cela est un peu plus normal, monsieur Sandor. Vos patients ne vous font jamais d'avance ? Rarement. Ah, la blouse, il est vrai, quelque peu... Et si cela arrive, je ne leur résiste jamais. Comme la plupart sont des velléitaires contrariés, leur vraie nature reprend vite le dessus, ils se lassent et ils renoncent. Et vous en aurez ? L'argent ne compte pas pour vous. Alors vous non plus ne comptez pas, prenez tout. Seulement ce qui me revient. Je regrette, monsieur Sandor, de n'avoir rien pu... Moi de même. Sincèrement. Néanmoins, si vous le désirez, je peux revenir. Quand vous voudrez. Vous m'appellerez ? Non. C'est ce que vous travaillez en ce moment ? J'essaie. Vous le jouerez à Carnegie Hall ? En bis, peut-être. Vous en avez de la chance. Vous voyagez, vous voyez des pays. Je les traverse. Je ne les vois pas. Je ne sors jamais. Des gens vous applaudissent, vous fêtent, vous respectent. Et ne comble pas le vide dans lequel je n'en finis pas de tomber. Tous les grands hommes sont seuls. Regardez Schubert. On mesure sa solitude à sa grandeur, n'est-ce pas ? Non. Vous êtes toute petite. Même avec ce chignon. Au revoir, docteur Solina. Merci de vous être dérangé. Quand j'étais jeune, enfin, quand j'étais petite, oui, je veux dire plus petite que maintenant, quand j'étais une petite fille, enfin, une petite jeune fille, j'en jouais du piano. J'en jouais même pas mal, à ce qu'on disait. Oh, jamais des grands morceaux comme ça, non, des morceaux comme on en joue le dimanche, en visite au salon, dans les bonnes familles, et qu'il pleut dehors. Oui. Et qu'on s'ennuie à mourir. Et qu'on se demande ce qu'on fait là. Oui, on se le demande. Et on ne trouve pas. On trouve parfois. Quand j'étais petite, j'avais trouvé. Parce qu'en jouant, je m'ennuyais moins. Et puis on m'admirait. Être admiré, ça fait passer le temps plus vite. Vous en savez quelque chose. Et on applaudissait, et on en redemandait. Ça ne ratait jamais. Après le rondeau à la turque, c'était la valse des regrets, puis... sur un marché persan. Et enfin, à la demande générale, le lac de Côme. Le lac de Côme ? Oui, Comme si de l'avoir jour et demi sous les yeux. Vous le jouez toujours? Oh, cette bêtise, vous voulez rire? Non. Pourquoi? Ni celle-là, ni les autres, d'ailleurs. Pour qui? Pourquoi? Il y a toujours quelqu'un pour écouter un piano. De toute façon, dans mon immeuble, c'est interdit. Il paraît que ça dérange, justement. Mais ici? Ici? Le lac de Côme, vous pourriez vous y remettre? Une fois. Rien qu'une fois pour moi. Je vous le demande. Je puis même vous en prier. Ce serait comme un engagement, un travail rétribué, pourquoi pas? Mais pourquoi, oui, ne pourrait-on imaginer que ce soit là une thérapie? À la demande du patient, justement. Travaillez bien, monsieur Sandor. Que ce soit votre concert ou votre chute. Mais ce n'est pas en vous moquant du monde que vous triompherez du vide qui est en vous. Ça, de protéger mon travail. Vous êtes entré sans frapper? Je ne voulais pas interrompre Schubert. L'heure du massacre. Tombé au beau milieu. Oh, mais vous n'y voyez rien? Rien à voir. À part que vous vous êtes changé. Et moi, vous avez vu? J'ai suivi vos conseils. Fermant la fenêtre. Passer une après-midi étouffante, mais au moins, je ne suis pas jeté dans le vide. Et vous? Oh, moi dans le travail. Lumière. Les fous se portent bien? Ils m'épuisent. Et, à part moi, qui avez-vous sauvé pour l'heure du vide métaphysique? Un pompier. On voit l'extinction? Je suis drôlement contente. Ah, ça vous réussit. Très bien, la robe. Encore les cheveux? C'est drôle pour un musicien de remarquer tant de choses. Vous êtes revenu pour ça, non? En tout cas, vous vous êtes changé pour ça, pour que je le remarque. C'est fait. On boit quelque chose ? Champagne, rosé brut. Avec vos patients, vous devriez essayer. Vous ne respectez vraiment rien, monsieur Sandor. Le silence des autres, si. Quand ils se taisent, j'écoute. Ah. Vous devriez essayer. Votre pompier, de quoi il souffre? Du cœur. Comme tout le monde. Ça lui fait du bien d'en parler. Du bien, puis du mal. Son cœur, il lui pèse deux fois plus après. Pas s'il l'a vidé. C'est ça? Dire ce qu'on a sur le cœur. Vous devriez essayer. Des flûtes ou des coupes? Vous savez... Oui, mais vous ne buvez pas. Sauf au mariage et aux enterrements. Pour oublier l'amour des uns, la mort des autres. Hein? Ce qu'on envie ou ce qu'on craint. Nous en sommes tous là. Vous êtes ivre. Gris. Gris rosé, indispensable pour exécuter Schubert. À bout portant. Une robe neuve, ça s'arrose. Tenez. Vous n'avez pas du tout des mains de pianiste. De boucher. Comme Richter ou Gilels. Pas que les mains d'ailleurs, les têtes aussi. Vous avez remarqué, des têtes de boucher ou d'étrangleur. Comme la mienne. Alors ce pompier? Je l'ai connu sur un incendie. C'est lui qui avait fait le coup? Classique, chez tout pompier, il y a un pyromane qui se met. Et alors? Elle est vide. Oh, mais doucement. Vite, au contraire, si je veux vous rattraper, avoir une chance d'apprécier votre humour. Trop jeune, les jeunes n'ont pas d'humour. Faudra grandir un peu. J'ai grandi depuis ce matin. Ah, les talons aiguilles, oui, j'ai vu. Pas seulement des pieds. Vous savez pourquoi je suis revenue? Pour me faire parler. Parce que j'ai décidé d'accepter votre proposition. La promenade en bateau? Le lac de Côme. C'est vrai? Vrai. Mais pour de l'argent. Le prix d'une consultation exceptionnelle. Que ce soit bien clair, nous ne sortons pas du cadre strictement médical. Strict et réducteur. La cloche du dîner. J'aime bien cette idée d'appeler les gens, les rappeler à l'ordre des choses simples comme de partager un repas. Que vous ne prenez jamais avec eux? Méchants convives. Je leur gâcherai l'appétit. Moi, je suis sûre qu'il y a en vous un homme délicieux. C'est pour le trouver que vous êtes revenu? Ah, vous dépassez la dose prescrite. J'ai de l'estomac. Alors, il faut manger, sinon vous allez perdre tous vos moyens. Vos moyens thérapeutiques, j'entends. Trop, les talons. Il mesure combien, le pompier? Je passe la fiche sur moi. À vue de nez. 1m90. 90? Sérieusement? Sérieusement, 90. C'est trop. Pour un pompier, non. Mais pour vous, si. Ça ne peut pas marcher. Vous lui arrivez où? Il ne s'agit pas de cela, monsieur Sandor. Entre Maxime et moi... Maxime. Ah, vous l'appelez Maxime tout de même. Hein? Et lui, comment est-ce qu'il vous appelle? Anna. Anna. Il vous appelle Anna. Vous lui permettez de vous appeler Anna? Je vous l'ai dit, nous avons sauvé des vies ensemble. Mais ça ne justifie absolument pas qu'il vous appelle Anna. Un homme digne de vous refuserait de vous appeler Anna. Ah oui, pourquoi? Parce qu'Anna ne vous voit pas du tout. Ah? Pas du tout. Il n'y a que les grandes femmes pour s'appeler Anna. Vous m'appelleriez comment? Il y a des retardataires. Vous êtes sûr que vous ne voulez rien manger? Je m'appelle Miette. Miette? Vous pouvez rire. Ça dépasse vos espérances, j'imagine. C'est mieux que boucher de pain, non? Je sais pas. En Chine, ils ont tous des noms composés. Comme ça, personne n'a le même. Fleur de lotus, matin de printemps, pétale azurée. Moi, la Chine, c'est mon rêve. La Chine d'hier, alors, parce que celle d'aujourd'hui, tous des camarades. Camarades fleurs d'oranger, camarades arc-en-ciel sous la pluie, camarades de grinderie. Miette. Mais pourquoi vous le cachez, votre nom? Vous cachez de vous tout ce qui est bien? Quand on me voit, ça fait pléonasme. Miette. Surtout dans l'exercice de mes fonctions. Vous savez pourquoi j'ai choisi médecine? Pour la blouse blanche. Parce qu'elle allonge. Elle grandit. Aussi par dépit. Sinon, c'est avocat que je voulais être. Oui, parfaitement. Avocate à la cour. Dans une grande cour. Une cour d'assises, de préférence. Avocat comme mon tuteur, qui est grand. Que j'ai toujours vu grand. Peut-être parce qu'il est avocat. Genre de robe. Vous voyez, en robe d'avocat, inutile de chercher, personne ne voit. Perdu, corps et bien dans la robe. Pof, au premier effet de manche, j'aurais disparu aux yeux de tout le monde. Le juge, les jurés, l'assassin. Sinon, c'était ça, mon idéal. Sauver des innocents et aider des coupables à s'en sortir. Tandis que maintenant... Vous faites de la délinquance préventive. C'est mieux. Voyez, Maxime. Oh, le pauvre. Il fera pas de mal à une mouche. Oh, ça ne prouve rien. Les assassins aiment leurs chiens, leurs chats, comme tout le monde. Il ne ferait pas de mal à leur puce. Je sais pas. J'en ai jamais rencontré. Merci. Ah. Le forcené avec ses enfants. Il avait tué personne. Il allait le faire. Vous l'avez retenu, donc vous l'avez sauvé. Sauvé avant qu'il n'en devienne un d'assassin. Si mon tuteur me voyait. Pardonnez-moi, j'ai jamais pleuré devant personne. Je comprends rien à ce qui m'arrive. Des urgences, des talons hauts, jour rosé brut. Et un crépuscule qui s'éternise. Des colosses craquent pour moins que ça. Les sérénades me font pleurer. Qu'est-ce que vous faites? Strictement parlant, je jette l'argent par les fenêtres. Et je les ferme après. Exit la sérénade. Ce sont des billets, des vrais? Ce sont de vraies larmes. Je comprends rien à ce qui m'arrive aujourd'hui. Peut-être parce qu'il vous arrive vraiment quelque chose. Si le docteur Reichenbaum me voyait... Avec un nom pareil, on ne doit pas avoir grand-chose. S'il vous entendait... Idem. C'est mon patron, dites-donc. La façon dont je m'y prends avec vous, c'est contraire à tout ce qu'il m'a appris. Tant mieux, ça prouve au moins que vous irez plus loin que lui. On va toujours plus loin que ceux à qui on désobéit. Ce que je n'ai jamais su faire... Il faut que je rentre. On vous attend? Oh non. Et mon lac de Côme? Dans l'état où je suis, je ferais mieux de m'y jeter. Et que dirait Maxime? Oh, Maxime, il est verrec du feu. Normal, c'est son métier. Bon ben, Un petit encas de malheur pour surmonter le moral. Le vôtre de moral, il a fait un assez bon depuis ce matin. Je vous reconnais plus. Comme ça, on est deux. Mais c'est du caviar. Lui-même. J'en ai jamais vu autant. Et du gris. Avec le rosé, ça s'impose. Mais d'où sortez-vous tout cet argent? De mes doigts. Les doigts d'étrangleur, ça paie. Faut changer de rimmel, il coule. Et la salle de bain, faites comme chez vous. Oui? Non, c'est une erreur. C'est une erreur. J'attends aucun appel, je vous l'ai dit. Mais non, très bien, pourquoi? Oui, par la fenêtre. Et alors, t'interdis? Écoutez, qu'est-ce qu'il y a d'illégal pour un musicien sédentaire à aider des musiciens ambulants, je vous le demande? Non, encore une fois, c'est une erreur. Je ne veux plus être dérangé. Je ne serai plus dérangé. Des ennuis? Ils me prêtent pour un autre. Mon rêve. Un autre? Chips et caviar, ça ira? Il faut que je rentre, monsieur Sandor. Si vous rentrez, je saute, docteur Solina. Votre responsabilité est engagée. C'est l'impatient qui parle. À table. Et l'homme? L'homme? On n'en parle jamais. Ah, celui qui fait le vide autour de lui. Ne dépoussez pas. Alors? Faudrait tout de même qu'on y arrive. Mes toasts, ils sont comment? Comme j'en ai jamais mangé. Moi non plus. Chips et caviar, une combinaison rare. Ce qu'il y a de plus cheap et de plus cher. J'ai du mal à vous imaginer sur une scène. Devant un public, allant au piano et commençant à jouer. Ah. Vous voulez que je vous montre? Je n'en demande pas tant. Minimum quand on veut obtenir quelque chose. Le docteur Eschenbull dit qu'il faut parfois des années pour obtenir d'un patient une confidence. Une confidence spontanée. Buvez. Allez, buvez. Pour l'oublier, celui-là. Le mieux serait tout de même que je retrouve mes esprits et que je m'en aille. Le mieux pour qui? Vous non plus, vous ne répondez jamais aux questions. J'ai trop bu, monsieur Sandor. Vous voulez que je vous raccompagne? Oh non! S'il y a des fous dans les placards, ça ne me dérange pas. Pourquoi dites-vous ça? Le cri. Le cri que vous avez poussé. Chez moi, c'est tout petit. Forcément. Tout petit, tout vide, tout triste. Avec de longues poupées en capeline sur le lit, dans les bras des fauteuils. Ça meuble joliment. Un intérieur suisse, oui. Mais pas une solitude. Avec de grands yeux vides. Vous, vous avez les mains de pianiste. Alors, il faut y aller. Je ne sais plus. Comme au salon, les dimanches de pluie. Pour être quelqu'un d'autre. Sans me regarder, alors. Au fait, combien? Bravo. Votre prix sera le mien. Faites-moi les propositions. 5 000. Lire? Francs. Francs lourds. Francs suisses. Vous êtes fou? C'est pour ça que vous êtes ici, docteur. Et que je me tue, ou presque, à vous en convaincre. Je plaisantais, monsieur Sandor. J'ai déjà accepté votre champagne et votre caviar, ce qui est contraire à toutes les règles en usage dans la profession. J'ai passé un moment très exaltant avec un grand pianiste. C'est déjà plus qu'un petit médecin de ma condition n'en pouvait espérer. Alors je peux bien, si vous y tenez tant que ça, vous le massacrer gratuitement, ce malheureux lac de Côme. Merci, merci pour tout. Il est tard, j'ai des choses importantes à régler, je suis obligé de vous demander de partir. J'ai besoin d'être seul, je vous raccompagne. Mais... à la porte seulement. Dormez bien, docteur. Encore merci. Vous voyez, je ne peux plus me passer de vous. Où êtes-vous? Au cœur des ténèbres. Allumé? Oh non! Chut! Vous allez les faire revenir. Mais c'est pas possible! Asseyez-vous, calmez-vous. Vous voyez, on y arrive tout de même. Au divan. Mais pourquoi? Dangereux. Ils n'ont pas dit que j'étais dangereux. Ah! Enfin, il est tombé. Hein? Le chignon. Tout arrive. Mais comme ça, en pleine nuit, j'ai voulu faire vite. Vous avez bien fait. Je suis content de vous voir. Qu'est-ce que je peux faire, monsieur Sandor? Ah, c'est gentil de continuer à m'appeler comme ça. Rien, hein? Être là. Je veux rien d'autre, c'est ce que je leur ai dit. Le docteur Solina. Je ne parlerai qu'en présence de mon médecin, le docteur Solina. Alors, j'espère que cette exclusivité ne vous portera pas tort. Les forcenés, c'est vrai, ça vous connaît. Je vous libérerai, je le prends sur moi. Ne bougez pas, je suis très bien ici. Très bien. Surtout depuis que vous êtes là. Ça me rappelle ma varicelle, quand j'avais 5 ans. On m'attachait les mains à mon lit pour ne pas que je me gratte la nuit. Des cicatrices, vous savez. Pour ne pas qu'elles abîment mon joli visage d'enfant. Vous étiez un joli petit garçon. À votre avis? Affreux. J'étais affreux. Aux yeux de ma mère. Donc aux yeux de tout le monde, surtout aux miens. Couvert de boutons, n'en parlons pas. Ma varicelle, je l'ai passée à l'ombre. À l'ombre des grands arbres de la clinique chic et chère du docteur Morrigon, que ma mère trouvait délicieux. Comme les chocolats qu'il lui offrait et qu'elle ne partageait avec personne. Délicieux partenaire au bridge, au golf, au... et rendant des petits services irremplaçables à l'occasion. À ma mère, il n'en refusait aucun. J'ai passé des semaines de grande tranquillité dans sa clinique, 4 étoiles. Enfouie au fond d'un parc immense. D'une étonnante tranquillité, lui aussi. Voilà pourquoi j'étais un petit garçon affreux. Mais bien tranquille. La contagion, c'est normal, on vous isolait. Ce que me répétait ma gouvernante quand elle venait me voir. Ma mère, il ne fallait pas l'oublier, me mettait là pour mon bien. Ça devait être vrai. Oh, ça l'était, puisqu'elle l'avait décidé. Elle décidait tout, ma mère. De tout et de tous. En cela, elle était mère jusqu'au bout des ongles. Qu'elle avait fort long et soigné. Comme ses mains, comme ses jambes. Ses dents. Longues. Très longues. Elle s'appelait Anna. Gagné. Anna de haut en bas. Tout était grand chez elle. Tout sauf le cœur. Elle vous aimait à sa façon. Façon maison. De loin et de haut. Oui? Oui, non, tout va bien. Oui, il est calme. Non, personne, je vous remercie. Non, très bien, merci. Si j'appelais mon tuteur. Vous croyez que c'est bien le moment pour les présentations? Sérieusement, mon tuteur est avocat, je vous l'ai dit. Un bon avocat, respecté ici et connu. Raison de plus. Ne lui gâchez pas sa réputation. Venez vous rasseoir près de moi. Dites-moi ce que je peux faire. M'offrir à boire, par exemple. Un doigt de champagne. C'est contraire au règlement? Au calmant, s'ils vous en ont donné. Oh, cuvée depuis longtemps. Vous avez peur? Peur pour vous. Je vous détache? Non. Oh, c'est le meilleur champagne de ma vie. Du petit lait millésimé. Il aura de la chance, l'enfant que vous aurez un jour. Hein, une grande miette ou un petit Maxime. Je n'ai pas le cœur à rire, monsieur Sandor. Dans votre sac, vous avez trouvé l'argent? Oui. Je ne peux pas accepter. Vous l'acceptez, Et vous n'en parlez à personne. C'est un secret entre nous. Secret professionnel. Si c'est de l'argent volé, je... Gagné à la sueur des 5000 francs qui travaillent pour moi à la Pierce Machine Company. Ils vous l'ont bien dit qui j'étais, non? Oui. Hector Villepreux. Excusez-moi si je reste assis. Hector. Ah oui. Vous préfériez Thomas? Moi, Hamster s'appelle Hector. Ah. Ça, c'est un coup dur. Un coup dur pour lui. Et vous disiez hier soir que vous n'étiez pas attendu, mais je suis sûr que cet Hector-là se languit de vous à la fin de la journée. Il a sa roue, ses graines. Ah, s'il a sa roue. Comme nous tous, alors. J'ai sauvé du laboratoire. Sa roue, c'est le paradis à côté de l'enfer des expérimentations. Pourquoi avez-vous mis le feu à votre usine? J'ai craqué une allumette. Celle que je traîne dans mes poches depuis une bonne trentaine d'années. Et qui finissait par me brûler les doigts. Il y a eu des victimes? Un week-end de Pentecôte. Le feu du Saint-Esprit sur des entrepôts déserts. Non, pas de victimes. Si l'on accepte les rats, les blattes obscures et les cafards sans gratte des canalisations. Rien que des dégâts matériels, comme on dit. Et des milliers de chômeurs. Provisoires, on débauche d'un côté, on embauche de l'autre. Une manufacture d'armes, ça se reconstruit à la vitesse des intérêts qu'elle représente. Des bras, ça se retrouve, pas des actionnaires. Mais pourquoi? Pourquoi cette camisole de force? Ils ne vous ont pas dit. Il ne vous l'a pas dit. Mais alors vous ne savez rien, parce que j'ai failli l'étrangler. Étrangler? Et là, vous le teniez, votre assassin. Étrangler qui? Mais votre patron, votre cher patron. Le docteur Eschenbaul? En personne. Paragoutante, la personne. Eschenbaul? Ah, je vous ai bien vengé. Vengé? De toutes les inepties dont il vous a farci la tête. Oh, j'aurais voulu voir ça. Ça me sera difficile de le refaire. Il vous a parlé de moi? Pas vraiment laissé le temps. Vous lui avez sauté dessus tout de suite? Quand j'ai compris qui il était? Ah oui. Soyons sérieux, monsieur Villepreux, a-t-il dit en s'avançant vers moi. Ah, ce bourrimé sur mon nom ne m'a plus laissé aucun doute sur le sien. Et puis les favoris. Ah, les favoris en côtelettes. Vous m'aviez caché ça. Les favoris m'ont mis en appétit. Je lui ai dit, docteur Reichenboll, vous êtes un nul et un mol. Ah, ça rimait aussi. Donc, étranglé de fureur, il l'était déjà à moitié quand je l'ai pris au collet et poussé vers la sortie. Alors c'est là que ses assistants m'ont ceinturé. Et sur ses ordres, passé le ravissant kimono dans lequel je savoure le bonheur, jusque-là insoupçonné d'être enfin tenu pour irresponsable de mes actes. C'est vraiment ce que vous cherchez? Un peu. Beaucoup. À la folie. Pas du tout. Être tenu pour fou et enfermé à vie. Avec vous, qui sait? Nous avons peu de temps, monsieur Sandor. Ne recommençons pas comme au début, Miette. Chère Miette. Vous valez tellement mieux que les Reichenbaul et compagnie. Parlons-en. Ce qui est arrivé cette nuit, j'aurais dû le prévoir. Quoi? Que la police, gracieusement aidée par Gloria, Gloria c'est ma femme, Gloria, comme le missile qui porte son nom, m'avait localisé à l'hôtel Fioro et allait débarquer d'un instant à l'autre. Moi seul pouvais le prévoir. C'est pour ça que je vous ai mis à la porte hier soir, quand j'ai compris qu'ils arrivaient. Je tenais à m'en excuser. C'est pour ça que vous m'avez fait revenir? Pour le finir, surtout. En finir avec ce cher lac de Côme. Enfin, monsieur Sand... Hector! Il y a tout de même autre chose à faire pour vous sortir de là que de me mettre tranquillement au piano comme si de rien n'était. Rien n'a été, Miette, rien. Et rien n'existe que ce à quoi on ne peut échapper. Non, ne bougez pas. Restez près de moi. S'ils reviennent, nous ne serons plus seuls. Nous le serons tant que je le déciderai. Ils n'interviendront qu'à ma demande. Je leur ai dit que je répondais entièrement de vous. Vous leur avez dit ça? Pour nous laisser du temps. Le temps de répondre à vos questions? Âge 50 ans. Profession armurier. Signe particulier? Aucune femme ne m'a jamais dit « Je vous aime, Hector ». Ou fait un geste qui puisse signifier la même chose. Est-ce que ça tient à ma tête, à mon prénom, aux deux conjugués, et impossible à conjurer? Ben, je ne sais, c'est ainsi. Thomas, lui, c'était le contraire. Thomas, Thomas, Thomas. Elles en avaient plein la bouche de Thomas. Elles en salivaient du Thomas, un vrai coulis. Surtout ma mère. Sandor, Thomas Sandor, c'est le fils qu'elle aurait voulu avoir. Il suffisait de voir avec quels yeux elle le regardait, le cajolait. Lui offrait parfois un des délicieux chocolats du docteur Morrigan, qu'il refusait d'ailleurs, le pauvre enfant. Prodige. Oui, mais diabétique. Béni et puni des dieux tout ensemble. Interdit de douceur, sauf en parole. Et là, il en dégorgeait de douceur, même au piano quand il jouait. Il en restait comme imprégné. Moi, je regardais tout ça de loin, assis à l'écart où ma mère me plaçait tout le temps que durait la réception chez les Sandor. Où Thomas donnait un concert une fois par mois. Nous n'en rations aucun. J'étais assis près des fenêtres, avec ordre de n'en pas bouger, dans mon costume empesé, sur une chaise où je ne voyais rien. Des dos, des canapés, des fauteuils surmontés d'énormes têtes me cachaient Thomas, que j'imaginais seulement tel un archange planant sur son piano, alors que moi je me tassais lentement sur ma chaise, les pieds dans le vide. Un grand parc entourait la propriété des Sandor. Un chat parfois la traversait, ou un attelage, ou un ouvrier avec ses pelles et ses râteaux. Un jour, une petite fille est venue y jouer en sautillant. Une toute petite fille. C'est la fille du jardinier, m'a dit Thomas, en venant me rejoindre un après-midi, alors que tout le monde le cherchait vers les étangs où on servait le goûter. Thomas m'apportait des gâteaux. C'est étonnant de ne me voir jamais avec les autres. À cause de ma migraine, lui ai-je répondu, imitant ainsi ma mère qu'il invoquait à tout propos, quand ça l'arrangeait. C'est Rosalie, m'a expliqué Thomas. Son père lui a interdit de nous parler. Il dit que les pauvres et les riches ne doivent pas se mélanger, surtout si les uns sont au service des autres, ce qui est le cas chez nous. Mais toi, rien ne t'empêche. Ah, j'ai dit, eh oui, rien ne m'empêche. Puis je me suis souvenu du regard de ma mère sur moi et j'ai quitté ma chaise. J'ai plus jamais regardé le parc. C'était juste avant les vacances. Thomas m'a écrit alors que je l'ai passé cette année-là encore dans la clinique du docteur Morrigan. Il disait qu'il pensait à moi en travaillant beaucoup. Ce divertissement à la hongroise, justement. Et qu'il voyait peu de monde en dehors d'une kyrielle de médecins dont il se serait bien passé, mais enfin il le fallait. Qui ne l'empêchait pas de donner des concerts en faisant la tournée des lacs italiens. Des lettres arrivaient du monde entier, des propositions, des contrats. Mais lui, m'écrivait-il, se réjouissait de rentrer, de retrouver sa chambre, son piano forte et le calme du parc où il aimait se promener seul. Moi, plus seul et plus laid de jour en jour. Je lisais ses lettres en m'étonnant qu'un être si beau eût une pensée pour moi. Allant même jusqu'à écrire qu'il se réjouissait de me revoir et de reprendre ensemble nos grandes conversations sur le sens de la vie. Et est-ce qu'enfin, à la rentrée, je me déciderais à aller voir Rosalie? Et vous vous êtes décidé? Jamais. Oh, c'est pas bien. Et Thomas, qu'est-ce qu'il a dit? Thomas? Rien, il n'a rien dit. Il n'a plus jamais rien dit, Thomas. Ni à moi, ni à personne. Un coma diabétique l'a surpris alors qu'il se promenait seul sur le lac. On a retrouvé sa barque 2 jours après. Ma mère l'a pleuré pendant des mois, allant même jusqu'à prendre le deuil et organiser un pèlerinage sur sa tombe, à Visalcola, où il est enterré. Là, de l'autre côté du lac? Une tombe très belle, en porphyre rose, que je viens fleurir tous les ans. Une tombe dont plus personne ne sait qui était Thomas Sandor, cruellement enlevé à l'affection des siens, voici plus de 30 ans. Sa famille? Propriété vendue, partie aux Amériques, où les chagrins se noient le mieux, dans le coca ou le pétrole. Le frère de Thomas y a fait fortune. La fortune sourit aux oublieux. Ils n'ont jamais cherché à vous revoir? Ils ne m'avaient jamais vu. Seul Thomas avait des yeux pour voir. Pour voir l'enfant exclu que j'étais et que je suis resté. Ces yeux-là ne se rencontrent pas 2 fois dans une vie. Peut-être vous ont-ils rendu aveugle à tous les autres. Peut-être. Et moi? Je vous détache? Non. Hector va vous faire une scène de jalousie. Ah, ce geste. La mère de Thomas l'avait tout le temps pour lui. Les cheveux dans les yeux, elle lui passait la main sur le front d'un geste lent. Un geste dont je rêvais toujours que ma mère un jour l'aurait pour moi. Le devançant même. Et me présentant à elle, décoiffé tout exprès. Et restant là à l'attendre comme une bénédiction. Ce geste qui n'est jamais venu. Le chagrin et la gomina ont fait le reste. Pourquoi n'avez-vous jamais parlé à Rosalie? Un enfant mal aimé ne parle à personne. Vous en savez quelque chose, non? C'est la pire des pauvretés. Mais votre réussite, votre mariage, vos enfants... Des affaires. Toujours des affaires, mariage d'affaires, enfants d'affaires. Toutes conclues par ma mère pour arranger les siennes. Et reprendre celle de feu mon père qui, dans son dernier soupir d'armurier, avait mis en moi ses dernières espérances. Si vous aviez refusé? Impossible. De la gomina à Gloria, j'aurais tout accepté pour que ma mère soit contente de moi et me regarde une fois, rien qu'une fois, comme elle regardait Thomas ou le docteur Morrigan quand il lui apportait ses chocolats. Naturellement, je n'y suis jamais arrivé. Eh, ça n'est pas faute d'avoir été un élève brillant, des pieds à la tête, du collège aux hautes études, avant d'épouser brillamment toujours la Pierce Machine Company, en la personne de Gloria, fille de son principal actionnaire. Pour plaire à ma mère, ça va de soi qu'il la trouvait délicieuse, comme un énorme chocolat dont elle m'aurait fait présent. Sauf que celui-là, je n'en avais aucune envie. Voilà toute l'histoire de ma brillante carrière. En gros, en détail, c'est plus long et moins brillant. C'est comme l'effet Gomina. À la longue, ça craque. Et ça pue. Le piano. Vous vous y êtes mis tout de même. Ah oui. Ça, pour m'y mettre, je m'y suis mis. Attelé, on peut le dire, comme un bœuf avec ses gros sabots. En cachette, ça va de soi. Le ridicule ne tue pas à condition d'être seul, et bien seul, avec lui. Ce divertissement... Je le connais sur le bout des doigts, c'est vrai. Des milliers d'heures de travail, d'acharnement. Je peux le jouer n'importe où, les yeux fermés. Avec ou sans piano, pour Thomas. Pour qu'il reste vivant. Monsieur Sandor. Ah! Vous continuez, hein? Quoi? À me prendre pour lui? C'est pour vous maintenant qu'il faut le jouer. Ou cesser de le jouer. Une bonne fois pour toutes, et l'oublier. Détachez-moi, voulez-vous? Il faut laisser les morts en paix, surtout les enfants. J'ai une crampe. C'est faux. Tout à l'heure, vous vouliez absolument faire quelque chose pour moi, alors maintenant, je vous le demande, détachez-moi. Pas si fort! Vous allez les alerter. De quoi avez-vous peur, tout à coup? Taisez-vous. Que je vous raconte une autre histoire que celle-là? Elle m'appartient, je vous interdis d'y toucher. Détachez-moi. Votre enfant Dieu, il est mort, vous entendez? Aussi mort que mes poupées mortes, avec leurs yeux vides. La pluie. C'est la pluie qui m'a décidé un jour à aller la voir. Dans la petite maison de jardinier qu'il habitait à l'orée du parc. C'était l'automne après la mort de Thomas. Le soir tombait, et la nuit, la pluie, j'étais sûr de ne rencontrer personne. L'eau rebondissait sur mon ciré. Mes bottes s'enfonçaient dans les allées détrempées. Et à mesure que j'avançais, il me semblait entendre par moments jouer un piano. La maison sous les arbres était sombre, avec une seule fenêtre éclairée. Était-ce à cause de Thomas que je croyais entendre un piano jouer à l'intérieur? Mais non, quelqu'un jouait vraiment, derrière la fenêtre. Et comme elle était très haute, je suis monté sur une pierre pour voir qui jouait. C'était elle. Rosalie me tournait le dos. Un dos traversé d'une longue natte blonde. La chambre, c'était une grande chambre, avec seulement un lit et une armoire et deux chaises, où des poupées étaient assises sur des napperons, les mains jointes. Rosalie, sur son haut tabouret, semblait jouer pour elle. Et dans leurs yeux, je voyais vaciller la flamme des candélabres suspendus au piano. À la fin, elle a refermé la partition et éteint les bougies avant d'aller embrasser une à une ses poupées en leur fermant les yeux de ses doigts. La chambre est restée vide. Les poupées dormaient, la nuit tombait. Il pleuvait toujours. Et sur la couverture illustrée du lac de Côme, je voyais un paysage de montagne dominant le lac avec des villas fleuries, un kiosque à musique. Entouré d'arbres, un bateau près d'un ponton, avec des femmes en ombrelles appuyées au bastingage. Même paysage qu'on peut voir aujourd'hui. La même musique. Une musique de thé dansant, comme l'hôtel Fioro en donne les après-midi pour ses pensionnaires. Vous voyez, docteur Solinard ne choisit pas ses souvenirs, ni les musiques qui vous les rapportent. Mais on peut choisir d'en changer. Vous croyez? Si on le veut. Merci. Vous voici libre maintenant. Libre de devenir quelqu'un d'autre, si vous le voulez. Vouloir. Et vous, Miette, que voulez-vous? Je ne sais pas. La Chine? La Chine des nuits divines. Vous en rêviez, non? Rêver n'est pas vivre. J'ai de l'argent au frais. Il s'agit bien d'argent. Oui, il s'agit bien d'argent. Le bout du monde, ça s'achète. Avec vous, alors? 2 hectares? N'est-ce pas trop? Que dire à l'autre? Rien. si on ne le délaisse pas. Un hamster, j'en rêvais, enfant. Je n'en ai jamais eu. Anna, ma mère, disait que ça puait. Est-ce que ça pue? Un peu. Si on ne s'en occupe pas. Et si on s'en occupe? Non? Non. Alors on s'en occupera. Oui. Avec du fluorodore dans son gravier. Chacun sa gomina. Et si la justice... Quelle justice? Celle qui aurait dû légitimement poursuivre l'assassin patenté qui a virtuellement donné la mort à des milliers d'innocents, qui n'a jamais tourné le bout de son glaive contre moi? Ou celle qui ne pardonnera pas au pourvoyeur d'armes d'avoir choisi d'arrêter le massacre en suicidant son arsenal et en se faisant à lui-même une manière de justice? La traversée du lac, mieux vaudrait la faire séparément. Et nous retrouver de l'autre côté? Oui. Vous avez peur? Peur de laisser... Non. J'ai seulement peur de ne pas être à la hauteur. Je suis tombé si bas. De mes rêves. L'amour, je ne connais pas. Pas vraiment. Je n'ai jamais fait l'amour. Moi non plus. Peut-être qu'il faudrait se quitter vite maintenant à cause d'eux. Qu'est-ce que je vais leur dire? Aux journalistes, aux policiers, à votre femme? Mais que tout va bien. Que la crise est passée, que j'ai entendu raison. Raison, c'est le mot juste, non? Et que je suis prêt à rentrer dans le droit chemin du repentir. Quelque chose comme ça. Vous trouverez. J'ai peur pour vous, j'ai peur de... Pas moi. Ils vont vous faire payer. J'ai de quoi. L'argent sert aussi à ça. De l'argent gelé, c'est ce qu'on dit. Quoi qu'il arrive, il est à vous. Avec ce papier, preuve écrite de ma main que je voulais bel et bien donner cet argent, s'il venait à vous inquiéter. À vous et à Hector, pour sauver tous les hamsters en détresse dans le monde. Allez vite maintenant. C'est la troisième fois que vous me congédiez. La dernière, promis. J'ai du mal. Visalcola, 9h, jeudi. Le jour des enfants. Par le premier bateau du matin. Courage. Allez vite leur dire que tout va bien. Hé, hey, la preuve. Promettez-moi... Faveur, Niette. Empêchez-les d'entrer pendant que je joue. Qu'ils me laissent le finir seul, ce divertissement. Vous comprenez? Seul. Une dernière fois. Oui. Oui. C'était « Divertissement à la hongroise » de Vera Feder. Avec Michel Aumont, Sandor et Sonia Volro, Solina. Au piano, Claude Mayol. Bruitage, Dominique Aubert. Prise de son et mixage, Jean-Claude Gauthier, Laurent Lucas. Assistante, Josette Villette. Réalisation, Anne Lemaître.